cœur, briser nos chaînes et nos entraves, renoncer à nos avantages avant le naufrage. On était deux dans les nuages, mais on sentait déjà l'orage. Il n'a pas su quitter le mirage, ses avantages. Son vivant nos vies de notre côté, sans jamais plus rien partager, triste réalité. Et puis le Covid s'est installé, et sur le net on s'est retrouvé, un flashback d'une trentaine d'années, putain quel pied. Lâcher